William, bon matin. Allô. J'ai l'impression que c'était un de mes sujets ce matin. J'ai hâte de voir qu'est-ce que tu en penses. Je voulais en parler aussi, les manifestations des syndiqués, la pose d'autocollants, notamment. Moi, je suis très... hier, je croise une voiture. Puis, il y a des gyrophares sur le dessus de la voiture. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? C'est-tu un pace-car de début de compétition? C'est plein d'autocollants, cette affaire-là. C'est une voiture de police. Ça avait l'air d'une voiture de stock-car, genre démolition. Avec des annonces, tu sais, dessus. Puis, voyons donc, les policiers ont un rôle trop important dans la société pour commencer à faire du vandalisme eux-mêmes avec leurs outils de travail. Mais ça les met dans une position, en plus. Moi, ce que je voulais poser comme question un matin, regarde, moi, te la poser, là. Moi, là, j'ai reçu un ticket hier. C'est pas vrai en passant, mais mettons, OK? Mettons. Je considère que c'est du vol. Parce que c'est mon droit. Le policier a fait une erreur, selon moi. Il s'est trompé. Sans même dire que c'est un ripou, là. Il s'est trompé. Et je suis en colère, OK? Et j'y ai dit, au moment où il m'a donné mon ticket, « T'as tort, tu me voles mon cash. » Lui, il me dit, « Garde, pas mon problème, arrange-toi avec ça. Tu sais ce que t'as à faire. Paye ton ticket. » Alors moi. Tantôt, en sortant du chou à 9h30, je m'en vais au Parc Victoria et pour manifester mon mécontentement envers le traitement, je mets des autocollants partout, je me mets à coller ça sur les murs de la centrale. Quelle sera l'attitude des policiers? Tu as toi-même le droit de mettre sur ta voiture un panneau disant « Je déteste la police ». À la limite, oui. La police m'a volé. Oui. Bon. OK. Ça fait partie de la liberté d'expression sur ta propriété à toi. Exact, je me rappelle d'ailleurs, il y a quelques années, il y avait un type très mécontent de sa voiture qui avait installé un énorme citron sur le dessus de sa voiture. Bon, ça fait partie de son droit. Oui. Mais vandaliser le bien public pour exprimer ton opinion, ça, j'ai des problèmes avec ça. J'ai des problèmes avec ça, puis de voir des policiers censés appliquer la loi, le faire, ça me choque. Ben, moi aussi, puis là, ils vont faire quoi? Comment? Quand ils vont m'arrêter tantôt? Parce que je suis sûr qu'à 10 heures, ils vont m'arrêter. Je le ferai pas, là. C'est un mec, je suis dans le conditionnel. C'est de la fiction, là. Bon, mais mettons, on parle. Là. Je m'en vais mettre mes autocollants. La police m'a volé. Puis je colle ça sur le Parc Victoria. Je sais qu'il y a des agents qui vont arriver. Puis si en plus, je leur dis d'un ton menaçant comme ils font, « Hey, arrête-moi pas, sinon tu vas avoir de la merde pendant 20 ans, puis je vais me radicaliser. » Là, ils vont me passer les menottes. Mais là, je vais leur dire, « Hey, les boys, êtes-vous en train de m'arrêter pour pose d'autocollants? C'est parce que vous le faites. » Là, ils vont faire quoi, là? Je sais pas. Ils sont en conflit d'intérêts, effectivement, pour appliquer la loi. Ben oui. Parce que ça veut dire que si, par exemple, Occupons Québec se revitalise puis se met à mettre des autocollants partout, ils ne pourront pas non plus appliquer la loi, ces gens-là. Ben non. Vu que leurs propres syndicats, leurs propres membres, leurs propres collègues ont vandalisé leur voiture de fonction. À moins